Radiomatic. La transmission 230 d'Audiomatic s'ouvrait sur la pièce Sakaria, composée par le projet Banco de Gaia. À l'origine, cette pièce apparaît sur la compilation Arabian Travels, publiée en 2001 par l'étiquette de disque Six Degrees Records. Il est aussi possible de trouver la pièce sur l'anthologie 10 Years qui retrace, comme son nom l'indique, les 10 premières années d'existence de Banco de Gaia, soit de 1992 à 2002. Audiomatic avec les sonoristes qui profitent pleinement du fait que l'air qui nous entoure existe toujours et permet de transporter ces mouvements vibratoires qui se rendront, nous l'espérons fortement, jusque dans vos oreilles. J'ai ce long manteau noir qui me donne l'impression d'entrevoir sous les ombres. J'ai ce long manteau noir qui résonne, parcourant le trottoir et les décombres. Je traverse le soir. Thank you. segment of it that I kept very secret, very close to myself. I didn't let anybody know about it. Il s'agissait à Audiomatic du trio américain Medeski, Martin and Wood avec leur composition Nocturne qui a été ici remixée par Dan the Automator sous le simple nom d'Automator Remix. On peut retrouver cette version sur le mini-album Combustication Remix EP qui, comme son titre l'indique, nous présente quelques pièces de l'album Combustication de Medeski, Martin and Wood, remixées par différents artistes. Et pour débuter, nous vous présentions le duo français Hypersensible, formé de Cyril Poumery et Jean-Martial Guillem, qui nous offrait la chanson Nuit de leur tout dernier album, D'où l'on vient, on va sans espoir, qui est disponible sur leur profil Bandcamp en échange d'une contribution dont la valeur est laissée à votre entière discrétion. Vous pouvez donc visiter le hypersensible.bandcamp.com. Allons-y maintenant avec le quatuor du Nouveau Jazz Libre du Québec. Thank you. À Audiomatique, cette séquence composée d'une seule pièce était l'œuvre du Quatuor du Nouveau Jazz Libre du Québec, un groupe montréalais formé en 1967 et qui a cessé ses activités en 1974. Cette formation de free jazz québécoise n'a fait paraître qu'un seul album officiel durant sa courte existence, soit l'album homonyme « Le Quatuor du Nouveau Jazz Libre du Québec » sorti en 1969. C'est de cet album qu'était d'ailleurs tirée la pièce « Fuseau » que nous avons écoutée. La succession d'entités musicales se poursuit à Audiomatique avec cette fois le groupe « Light Asylum ». Nous vous présentions à Audiomatique le groupe anglais Fair Horns et la pièce Ragnarok de leur premier album Doki Doki Run, lancé en 2012. Et pour amorcer ce bloc musical, nous avions droit au duo brooklynois Light Asylum, qui a été fondé par Bruno Coviello et Shannon Funchess. Bruno Coviello a quitté Light Asylum en 2012 et a été remplacé par Raphaël Radna. Shannon Funchess a quant à lui collaboré avec TV on the Radio et le duo suédois The Knife. De leur seul album homonyme paru en 2012, nous entendions de Light Asylum la chanson Sins of the Flesh. Nous entamons la dernière tranche du chemin sonore qui mène inévitablement à la conclusion de cette transmission d'Audiomatique. La formation Black Dog et leur pièce Psychocine est interprétée ici dans le cadre d'une Peel Session. Cette version apparaît justement sur l'album intitulé Peel Session de The Black Dog. Il est vrai qu'il ne faut jamais présumer de rien, mais permettez-nous de nous commettre en affirmant que nous serons présents sur les ondes de C'est fou au 89.1 FM mercredi prochain dès 17h pour animer la transmission 2-3-1 d'Audiomatique. Vous avez toujours le loisir d'entendre ou de réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion en vous rendant sur notre plateforme ou nos plateformes, peu importe. Comme entre autres facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique. Voici donc The Black Dog et la pièce Psychocine. C'était Audiomatique avec les sonoristes. Thank you. Thank you.